Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 128. Des parties de la force. On énumère les quatre parties de la force, la magnanimité, la magnificence, la patience et la persévérance. 1. Les parties de la force peuvent-elles s'énumérer convenablement? La force se révèle par deux actes principaux, l'un actif, l'autre passif, entreprendre et supporter. Pour entreprendre de grandes choses, il faut d'abord une disposition de l'âme que Cicéron appelle la confiance, et Aristote la magnanimité, c'est un espoir assuré qui porte l'esprit vers les œuvres grandes et honorables. Il faut ensuite, pour que l'on ne défaille pas dans l'accomplissement des grandes œuvres commencées avec magnanimité, la magnificence, qui met les dépenses en rapport avec la grandeur des desseins. Pour supporter, deux conditions sont pareillement requises, la patience, qui consiste, dit Cicéron, dans le support volontaire et prolongé des travaux difficiles, et la persévérance, ou la constance inébranlable de l'esprit dans un dessein mûrement réfléchi.